Nous avons là un bocal qui contient une sélection d'orties cueillies à Strasbourg dans le cadre du processus lettre d'amour bactérienne. Les orties peuvent être bouillies et ensuite mixées pour composer la fibre qui permettra de créer du papier.